L'actualité à Nancy et ailleurs. Vous cherchez une activité originale à faire en famille ou entre amis à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'Office de tourisme du pays de Saulnois a pensé à tout. De nombreuses animations gratuites sont proposées les 21 et 22 septembre, notamment deux visites guidées, dont une nocturne. Pour tout savoir sur ce programme, nous avons au téléphone Aline de la Vallade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide conférencière. Avant de parler de ces deux rendez-vous, le territoire du Saulnois, vous pouvez nous le situer et puis nous dire un peu c'est quoi ces trésors ? Alors c'est un territoire rural qui est situé entre Nancy, Metz et Sarrebourg et qui a une histoire extrêmement intéressante parce que l'histoire est liée au sel. On est vraiment dans le pays du sel, il y a des mares salées continentales et ce sel on l'a exploité depuis l'âge du bronze. Donc forcément il y a beaucoup de vestiges et beaucoup de patrimoine qui sont liés à l'histoire du sel de façon directe ou de façon indirecte. Bien sûr, l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine, ça va permettre de mettre en avant bien toute cette riche histoire du territoire. On va s'intéresser à deux visites, dont une nocturne. Donc ce sera bien sûr le week-end des 21 et septembre et 22 septembre. Le samedi 21 septembre, c'est une visite nocturne pour découvrir la collégiale Saint-Légier de Marsal. Cette visite, elle sera vraiment axée uniquement sur la collégiale, c'est-à-dire qu'on ne sort pas extramuros, enfin, on reste vraiment dans la collégiale, autour de l'architecture religieuse, autour de l'architecture médiévale, autour du roman, du gothique, mais avant ça, de l'arrivée du christianisme, comment ça arrive sur nos terres, pourquoi on construit des églises, comment on fait pour construire des églises, donc aussi toute la symbolique autour, la symbolique un petit peu sacrée autour des mathématiques et de la géométrie à l'époque médiévale, autour aussi des saints patrons des églises, autour du sel bien sûr, puisque cette collégiale est là, son origine est évidemment liée à l'exploitation du sel à Marsal. Et le choix de faire ça le soir, c'est à 20h30 et bien sûr à la lampe de poche. Parce que à la lampe de poche, c'est un détail mais qui n'en est pas vraiment un, c'est que tout le monde regarde au même endroit. Quand tout est éteint et c'est moi qui éclaire ce que je veux montrer, on regarde tous au même endroit. Donc d'un point de vue compréhension, c'est pertinent. Et puis c'est aussi insolite, ça plonge les gens dans une ambiance qui est intimiste, qui sort de l'ordinaire. Et ça en général, c'est vrai que c'est des choses qui fonctionnent bien, que les gens apprécient. Donc voilà. Et c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, alors enfant à partir de 12 ans, parce que sinon ils s'ennuient un petit peu. Et puis le jeune public, c'est vraiment des médiations à part entière, qui demandent une préparation particulière, tout comme la médiation des adultes demande une préparation aussi. Donc là, ce sera le samedi 21 septembre à 20h30. Réservation conseillée, parce que au-delà de 40 personnes, et on a déjà pas mal de réservations, on bloquera pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Voilà, ce sera plus confortable, bien sûr, pour profiter de cette visite. Un autre lieu et une autre histoire aussi du territoire, c'est l'histoire gallo-romaine, parce que là, on va aller à la presqu'île de Tarquimpol. Oui, tout à fait. Alors, Tarquimpol, c'est un autre endroit du territoire, c'est une autre porte du pays du Saulnois. Et Tarquimpol, c'est plutôt l'histoire gallo-romaine, effectivement, qui sera racontée. Parce qu'il y a beaucoup de vestiges archéologiques qui ont été découverts sur cette presqu'île, qui n'était pas une presqu'île à l'époque gallo-romaine, puisque l'étang de l'Indre est une création médiévale. Mais du coup, voilà, on va aborder aussi tout ça, tout ce qui a été trouvé, les hypothèses qu'on a. On découvrira aussi la nouvelle maison du pays des étangs, dont les restaurations viennent de s'achever. Voilà le programme. Bien sûr, lors de ce week-end, il va y avoir plein d'autres choses à voir, en visite libre notamment. Et oui, il y a plein de choses. Et l'office de tourisme. La Tour, le musée du sel de Marsal sont ouverts gratuitement, donc c'est vraiment à découvrir. L'office de tourisme est là pour nous guider, pour nous renseigner, bien entendu, comment bien on fait. Alors sur notre site www.tourisme-saulnois.com, on a une brochure qui est directement en ligne, qui recense tout ce que les gens peuvent découvrir pour les Journées du patrimoine. Merci beaucoup Aline de la Vallade pour cette présentation et rendez-vous les 21 et 22 septembre. Oui, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.